Maurice Bouet, Le roi des aventuriers. Tome 2, La femme sans tête. Chapitre 1. 3 francs. 3 francs 50. 3 francs 50, personne ne dit mieux. 4 francs. 4 francs, personne ne dit mieux. 4 francs. 4. Allons, mesdames et messieurs, voyons, c'est dérisoire, 4 francs, une magnifique table de nuit en bois blanc authentique, vérifiée par les experts, avec son ornement, un somptueux vase en faïence massive, orné de roses et d'amour, peint par un primitif inconnu. 4 francs, personne ne dit mieux, adjugez. C'était dans une petite salle de vente parisienne. On mettait aux enchères un pauvre mobilier ayant appartenu à Madame Paul Bréchat, une paysanne du Tarn, qui était venue mourir dans la capitale. Les acheteurs étaient presque tous des gens de condition modeste. Le commissaire priseur avait le sourire ironique de l'homme qui accomplit par condescendance des fonctions indignes de lui. La bizarrerie misérable du mobilier éveillait, du reste, en lui, une hilarité mal contenue et lui inspirait des saillies d'un goût parfois douteux. La table de nuit fit place à de grossiers chromos, jaunis par le temps et entourés de cadres vernis. « Voilà, mesdames et messieurs, continua le commissaire priseur, admirez ces œuvres. Voici la reproduction exacte et authentique en chromolithographie du célèbre Angelus de Millet, vendu tout récemment encore, 875 000 francs, un chef-d'œuvre, mesdames. Voyez le pendant, l'essemeuse, qui vaut un demi-million au bas mot. L'original, cria un loustic dans la salle. Bien entendu, répliqua le commissaire priseur, vous ne voudriez pas avoir l'original pour 4 francs, je suppose. Mais vous avez ici une reproduction intéressante, patiné par le temps et les crottes de mouche. » Un acheteur proposa 1 franc pour les 2 chefs-d'œuvre qui finirent par être vendus 2,75 francs. Puis ce fut le tour d'une statuette représentant un pâtre. 75 centimes, un pâtre dû au ciseau de Michel-Ange moderne, mort en contemplation devant son œuvre à l'âge de 12 ans et demi. Une œuvre incomparable dans laquelle on retrouve la naïveté et la façon de faire des premiers sculpteurs égyptiens et chinois. « 2 francs !» cria une voix. Le commissaire priseur sursauta. Il ne s'imaginait pas trouver un acheteur qui eût assez mauvais goût pour payer 2 francs ce vilain magot de plâtre. « 4 francs !» cria aussitôt une autre voix. Le commissaire priseur n'était pas revenu de son premier étonnement lorsque cette voix l'assomma littéralement. Il écarquilla des yeux ahuris et, par un brusque effort de sa volonté, il parvint à se ressaisir pour dire avec gravité « 4 francs, mesdames et messieurs, personne ne dit mieux. » « 10 francs !» reprit la première voix. « 20 francs !» lança aussitôt la seconde. Le commissaire priseur crut d'abord qu'il rêvait. Il leva la tête pour voir quels pouvaient être les clients assez stupides pour offrir des sommes aussi insensées. La première voix appartenait à un jeune dandy vêtu à la dernière mode. L'autre compétiteur était un vieillard cossu portant des lunettes d'or. Le commissaire hocha la tête à la façon d'un homme fort étonné qui commence à s'attendre à tout et reprit d'une voix routinière « 20 francs ! Personne ne dit mieux !»« 50 francs !» cria le jeune dandy. « 100 francs !» gronda le vieillard. Dès lors, ce fut entre ces deux clients inattendus un duel acharné qui plongea le commissaire priseur dans un ahurissement voisin de l'effroi. « 200 !» glapissait le vieillard. « 500 !»« 800 !»« 1000 francs !»« 1500 !»« 2000 !»« 2005 !»« 3000 !»« 4000 !» 5 000 ! Les deux compétiteurs se lançaient ces sommes à la tête avec une rage sourde. Chacun d'eux élevait la somme, croyant assommer son rival et le mettre hors de combat. Et le commissaire voyait ces sommes sillonner l'espace et éclater au-dessus de sa tête comme des obus. Il n'en croyait plus ses oreilles. de 75 centimes, la valeur de la misérable statuette de plâtre mal peinte s'était élevée à 5 000, à 10 000, à 30 000, à 60 000 francs. C'était inouï, c'était fantastique et c'était formidablement incompréhensible. 60 000 francs, ce pâtre de plâtre soufflé qui, tout neuf, se vendait en magasin 15 sous au maximum. Les deux compétiteurs luttaient pied à pied comme deux gladiateurs antiques. Cependant, il était aisé de voir que le vieillard faiblissait, hésitait et que, en réalité, il était presque au bout de son rouleau. Après avoir jeté des milliers de francs à la face de son adversaire, il retombait dans les centaines. « 61 100 !» balbutia le vieillard. « 500 !» continua le dandy, presque triomphant. « 600 !» avança péniblement le vieux. Le jeune homme se redressa, se préparant à donner le coup suprême. « 62 000 !» lança-t-il comme une massue. Le vieillard leva vers lui un regard égaré. Il frémit un instant et baissa la tête. Il était vaincu. Son compétiteur triomphait. « 62 000 francs !» souligna le commissaire priseur, qui, désormais, ne doutait plus de rien. « Personne ne dit mieux ?» Un silence solennel se fit. Non, personne ne disait mieux, mais tout le monde contemplait avec étonnement et admiration le pâtre qui valait 62 000 francs. Était-ce une illusion, un mirage ? Cette statuette, qui tantôt encore était insignifiante, semblait s'être emparée soudain d'une beauté ignorée. Tout le monde, maintenant, lui trouvait un charme nouveau, une grâce merveilleuse, un sourire vraiment divin. Oh, le prestige de l'or ! Le magot, aux yeux de tous les sots, était devenu un chef-d'œuvre, un objet de vénération qui commandait le respect. Le commissaire priseur prit délicatement en main la statuette que, quelques instants auparavant, il contemplait d'un regard dédaigneux et, l'élevant comme une relique, il dit d'un ton solennel « Adjugez !» Le sort en était jeté. Un doute subsistait encore dans l'esprit du commissaire qui, en son fort intérieur, se demandait s'il n'avait pas été victime d'audacieux fumistes. Un instant, il crut que l'acheteur allait prudemment se faufiler dans la foule et disparaître. Mais il n'en fut rien. On vit le jeune homme s'avancer vers le bureau du commissaire priseur, ouvrir son portefeuille et en tirer des liasses de billets de banque. Puis, ayant fait emballer sa statuette, il la prit et sortit. Tout le monde le suivit des yeux. « Que va-t-il faire de ce pâtre ?» se demandait-on. « Pourquoi l'a-t-il acheté 62 000 francs ?» Que serait bien cette statuette pour avoir une valeur telle? Le jeune dandy avait quitté la salle de vente. Derrière lui, le vieillard avançait d'un pas alerte. Il le suivait comme le meurtrier suit sa victime, comme le fauve suit sa proie, avec prudence et sûreté, attendant le moment de bondir et de le frapper. Le jeune homme monta dans une limousine qui l'attendait. Le vieillard prit une auto. Les deux rivaux arrivèrent ainsi boulevard Saint-Germain. Le dandy pénétra dans un hôtel luxueux. Son compétiteur avisa le laquais d'une maison voisine et demanda « Connaissez-vous le monsieur qui vient de pénétrer ici ?»« Oui, monsieur, c'est le comte de Beaulieu. » Le vieillard recula, tremblant, effaré, comme si la foudre était tombée devant lui. Et son interlocuteur l'entendit balbutier « Le comte de Beaulieu ?» « Malédiction !» Puis il tourna les talons et partit en chancelant comme un ivrogne.